Éclat de lumière sur Fadjet. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Victor, animateur de l'émission Éclat de lumière et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Éclat de lumière, édition septembre 2025. Mesdames et messieurs, je vais commencer cette émission par vous parler un petit peu des nouveautés que je vous avais annoncées cet été dernier, puisque je vous rappelle que l'émission Éclat de lumière va donc changer de forme et de fond dans les mois à venir. Plus d'interactions, nouvel habillage, nouvelle formule, avec aussi de nouveaux chroniqueurs qui vont être amenés à intervenir donc dans cette émission Éclat de lumière. Je suis le présentateur Victor et je resterai donc à vos côtés tout au long de cette année, mais contrairement à l'année dernière où vous aviez pour habitude d'entendre régulièrement des personnalités comme Gilles, comme Mouloud ou comme Aline intervenir à ce micro pour parler avec nos invités des différentes sorties culturelles et de la culture en général, les chroniqueurs vont cette fois-ci être un petit peu plus amenés à tourner autour donc de l'année et autour donc de cette table, afin donc d'avoir un petit peu plus de diversité et un petit peu plus d'interaction avec nos invités tout au long de l'année. L'objectif, il est évident, c'est d'avoir un petit peu plus de liens et d'être un petit peu plus spontané avec vous pour permettre donc de vous immerger un petit peu plus dans la culture en Lorraine, mais aussi partout en France, puisque l'on n'hésite jamais dans cette émission à parler d'expositions ou d'événements culturels qui peuvent se passer à Paris. Je commence par rappeler donc dans cette émission que Éclat de Lumière, c'est l'émission radio d'un web magazine, qui est donc le magazine Lumière en art, et que ce web magazine, il est disponible donc sur internet. Vous tapez tout simplement www.lumièreenart sur les moteurs de recherche, votre moteur de recherche favori, mais aussi donc disponible sur les différents types de réseaux sociaux, à savoir notamment les pages Facebook, Lumière en art officielle, mais aussi une page Instagram que l'on alimente de plus en plus et qui est un de nos objectifs cette saison, alimenter cette page Instagram afin de vous faire découvrir un petit peu plus les coulisses de l'émission, l'arrivée des invités, des petites interviews un petit peu bonus aussi, pour vous permettre vraiment de vous immerger au cœur de l'émission Éclat de lumière. L'année dernière, lorsque l'on a commencé cette émission, on l'a commencé donc suite à une proposition qui nous a été faite et on l'a commencé de manière un petit peu plus précipitée. J'étais moi-même d'ailleurs encore à l'époque en études, chose que j'ai terminée à présent. Et comme on a commencé un petit peu cette relation précipitamment entre vous, les auditeurs lorrains et nancéens de Fadjet, et nous, les rédacteurs et chroniqueurs de l'émission donc Éclat de lumière et du web magazine Lumière en art, je voulais prendre le temps de qu'on apprenne un petit peu plus à se connaître pour cette nouvelle saison. Prenez cela un petit peu comme un épisode bonus, un premier épisode de rentrée, où on va donc prendre le temps de se dévoiler un petit peu plus. Et pour ce faire, vous allez être surpris ou pas, j'ai pris la décision d'inviter pour cette première émission celui qui était à l'époque chroniqueur dans l'émission, à savoir Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour et bonjour à tous dans cette période de rentrée. Gilles, qui est, en dehors du fait donc qu'il était un habitué et un chroniqueur de talent l'année dernière dans l'émission Lumière en art, c'est aussi le président de Lumière en art, du web magazine donc Lumière en art. C'est l'un donc des créateurs de ce magazine depuis plusieurs années maintenant. Il intervient que ce soit sur les réseaux sociaux ou donc sur internet. Et je voulais donc l'inviter pour qu'on parle un petit peu plus en détail de Lumière en art, mais aussi qu'on fasse un petit peu des annonces de rentrée. Quittez surtout pas, ne partez surtout pas de l'émission, puisque nous allons vous annoncer en exclusivité au cours de cette émission l'invité pour la prochaine émission. Qui est un invité relativement prestigieux, qui est le directeur d'un festival important à Nancy qui va avoir lieu d'ici quelques semaines et que nous aurons le plaisir de recevoir dans le studio de Fadjet dans les prochains jours. Je vous l'ai dit, donc nouvelle saison pour Éclat de lumière et donc nouvelle formule. C'était une évidence pour nous. Nous avons donc décidé de mettre en place un certain nombre de petites interviews afin donc de dynamiser l'émission. Et cette première émission, c'est un concept que j'ai appelé le spectre des invités. Toujours en lien avec la lumière, c'est une petite interview très rapide de quelques minutes qui va nous permettre un petit peu de connaître un petit peu plus en détail les invités qui sont autour de la table, ce qu'ils font et ce qui les inspire dans la vie. Et donc, j'ai décidé pour cette première émission de la faire avec Gilles. Alors Gilles, première question pour cette interview Spectre, pour se connaître un petit peu plus en détail. Quel est ton nom et ton prénom ? Gilles Gosset. Quelle profession, Gilles ? Enseignant jusqu'à présent et depuis peu retraité. Eh oui, effectivement, nous sommes autour de cette table, une table d'enseignants, puisque je suis moi-même enseignant d'histoire-géographie. Quelle était ta spécialité, Gilles, d'ailleurs ? Les lettres modernes. Les lettres modernes et le français, c'est pour ça qu'on vous a tant parlé de littérature, que ça soit sur Internet ou dans l'émission. Donc Gilles, est-ce que tu peux nous parler un petit peu rapidement, sans faire l'historique qui prendrait évidemment des heures, comment t'en es venu justement à présider Lumière en Art ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de partager comme ça la culture à travers donc ce magazine et aussi à travers finalement cette émission de radio ? J'ai toujours été passionné par les événements culturels. Par le spectacle vivant, tout ce qui était autour du théâtre, de la littérature, on l'avait dit tout à l'heure, et du 7e art. Et puis l'idée, c'était d'être justement en partage par rapport à ces événements, à ces pépites, à ces découvertes d'auteurs, de réalisateurs, de comédiens. Et puis comme on se réunissait sous forme d'un club, tout doucement, on a pensé que, effectivement, l'idée d'être sur au-delà d'un webzine, au-delà du digital, l'émission de radio, c'était un peu le prolongement, le complément naturel. Pour que cette fois-ci, on s'adresse à d'autres publics, parce qu'il y a un choix, une offre culturelle incroyable à Nancy, en Lorraine et dans le Grand Est. C'est clair. Et du coup, on a commencé comme ça cette aventure, donc cette émission de radio, l'année dernière, tous ensemble. Est-ce que tu peux nous dire sur les réseaux sociaux où est-ce qu'on peut te retrouver ? Si on a envie de parler, d'échanger autour de la culture. Voilà, alors ce qui fonctionne actuellement très très bien en termes de lecteurs, de visiteurs, ce sont les deux Facebook qui touchent un public qui se complète. Le Facebook Lumière en Art, très simple, vous cliquez et vous y accédez. Et puis le Lumière en Art officiel, où on sélectionne un petit peu plus les événements, l'actualité culturelle, je dirais c'est presque au jour le jour. Et c'est presque aussi celui où on parle un petit peu plus large, pas uniquement de la Lorraine, on évoque aussi, parce qu'on a une branche, donc vous l'aurez compris, parisienne, et on évoque un petit peu les événements qui peuvent se passer à Paris, parce qu'il y a de très nombreuses manifestations desquelles on est partenaire aussi donc à Paris. Ça c'est pour l'interview donc Spectre que l'on vous présentait ici pour la première fois. Et suivant cette interview, on a décidé aussi que l'invité allait nous confier un petit peu ses goûts musicaux et les choix qu'il avait fait au niveau de la musique ces dernières semaines, ce qu'il écoute, est-ce qu'il a un album coup de cœur, des groupes ou autres. La playlist, donc, elle vous est présentée cette semaine par moi-même, car c'est la première fois que l'on a donc cette idée, ce concept. Et cette playlist, on va la commencer avec l'un de mes groupes préférés, qui est tout simplement Jamiroquai. Alors, Jamiroquai, on le connaît pour ses frasques en dehors de la musique, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui est réputé pour conduire assez mal. Je vois Gilles qui hoche la tête à côté de moi, Jamiroquai qui est interdit de conduire dans plusieurs pays, mais qui est aussi donc un musicien de talent, un auteur et compositeur de pop absolument remarquable. Et j'avais envie, sur ses notes un petit peu estivales, puisque même s'il fait encore beau et chaud à Nancy en ce moment, de vous passer ce morceau un petit peu iconique qui s'intitule donc Cosmic Girl. On se retrouve juste après pour la deuxième partie de l'émission Éclat de Lumière saison 2, où on va évoquer ensemble nos coups de cœur de l'été pour faire un petit peu le rattrapage de ce qu'il y a culturellement eu cet été et surtout pour évoquer aussi la rentrée littéraire. A tout de suite sur Fadjet Radio. Stars is her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. system. Try to phone, but they don't list them. So I asked her for a number all the same. She said, step in my transporter so I can teleport you. All around my heavenly body. Now, this could be a close encounter. I should take him out to flounder. Sends me in a hot space when I see her pretty face. She's just a De retour donc sur Fadjet Radio, vous êtes en train donc d'écouter l'émission Éclat de Lumière qui entre donc dans sa saison 2 et qui vous présente tout au long de l'heure son nouvel habillage et son nouveau programme pour les mois à venir. Je suis donc toujours avec Gilles, le président de Lumière en Art, le web magazine duquel est issue l'émission Éclat de Lumière. Alors Gilles, pour commencer donc dans cette deuxième partie, un petit peu retour sur les coups de cœur de l'été, un très bel événement duquel on avait parlé au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises, ou de mai. On avait notamment invité l'un des principaux protagonistes de ce très beau festival qui était donc la dernière édition, enfin la dernière édition en date du festival du Gré du Jazz à laquelle tu as pu te rendre. Oui, c'était vraiment un très bel événement. Une ambiance tout à fait particulière parce que le lieu est magique, Château de la Petite Pierre, et en définitive avec des artistes qui ont été accueillis par un public très très varié et enthousiaste, et c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de révélations. Il y avait une scène de jeunes talents et ça c'était aussi très appréciable. Il y a même des artistes qui ont donné un récital tout en haut de la citadelle de Beach. Oui, parce que le... qui a marqué le public. Le cadre est extrêmement, extrêmement beau. Hein. Le festival se fait en partenariat, on l'avait dit la dernière fois, avec le parc naturel régional des Vosges. Vosges du Nord, voilà, c'est ça. Vosges du Nord, exactement. Et donc, le cadre est absolument splendide. Tu parlais notamment d'un château donc à la Petite Pierre, où se produisaient donc certains des artistes les plus en vue aussi, et puis surtout cette vue sur le ciel dégagé dont on a discuté lors de l'émission de juin, qui est quand même quelque chose d'assez surprenant, je pense. C'est vrai que cette cour intérieure, à côté de ce qu'ils appellent le jardin du commandant, qui était un lieu convivial, on peut accéder facilement à un partage, à des échanges avec les artistes, voilà, avant le récital ou après, ça c'est vraiment très très agréable. Et puis une très belle programmation quand même cette année, hein. il faut en parler, cette programmation avec notamment Avishai Cohen qui était présent, donc tout le groupe évidemment était présent, Avishai Cohen qui se produira, je donne un petit indice aussi pour la suite de l'émission, lors du Nancy Jazz Pulsation en octobre, Avishai Cohen qui était présent lors de la deuxième semaine, et puis une édition très réussie, que ça soit en termes de fréquentation et de rayonnement aussi à travers les médias. On a plusieurs donc journaux qui se sont déplacés, Gilles évidemment donc était présent sur site durant le festival, mais il y a eu France Bleu, il y a eu France... Il y a eu un retour sur France Info, oui. Sur France Info, réseaux sociaux net aussi, enfin voilà, c'était vraiment, on sent qu'il y a eu un décollage incroyable et j'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup avec des rédacteurs qui est extraordinaire et qui a le vent en poupe au niveau national, à Jazz Magazine. Et vraiment, oui. On sent que oui, un décollage vrai. Incroyable. J'ai lu les retours aussi sur Jazz Magazine, les retours critiques et surtout les retours publics, parce qu'on avait plusieurs concerts au niveau de la scène principale. Bah, Avishai Cohen, mais des personnes aussi comme Ayo, comme Louis Matut, c'était des concerts qui étaient complets avant même le début du festival. Une ambiance absolument incroyable, Louis, formidable, un public qui a été plus qu'enthousiaste, un engouement... voilà, et puis après avec les rappels, les applaudissements, c'était vraiment bien. Et des reportages qui sont évidemment trouvables sur les réseaux sociaux donc de Lumière en Art, notamment les Facebook, et voilà. Aussi à venir, il me semble, sur le site internet, on en avait discuté avec notre présidente récemment. À noter aussi, peut-être qu'on peut déjà, d'ores et déjà l'annoncer parce qu'on a vu avec l'organisation du festival, que nous serons partenaires pour l'édition suivante hein, et qu'on va essayer... de se rendre sur site l'année prochaine. Ah oui, tout à fait, c'est un travail d'équipe. Là, j'en profite pour dire un coup de chapeau à Christian, qui était venu, le président, qui était venu sur les ondes, sur l'antenne de Fagette avec la de Lumière, qui nous avait un peu expliqué l'enjeu, la philosophie. Bon, ils étaient toujours dans l'inquiétude, en se disant, est-ce que ça va bien marcher? Puis en plus, il a fait un temps... exceptionnel sur leur site. Et pas trop chaud. Pas trop chaud. Ça, c'était bien. Et puis, ils ont une programmation. Enfin, leur programmateur est vraiment formidable. Quoi. Il a trouvé des talents, des pépites, des valeurs confirmées. Aïcha, la directrice, a fait un travail incroyable. Il y a un pilotage de 174 bénévoles. Enfin, voilà. Et puis, peut-être la plus belle ambiance qu'il y a eu, je disais, c'était un peu mon coup de cœur autour de Ayo. Voilà, qui est une artiste accomplie, qui est une grande voyageuse. Elle est très, très proche de la culture de Tahiti. Et justement, on a senti un peu les prémices musicales de son futur album qui va sortir, je crois, le 20 septembre, sera disponible. C'est très puissant, il y a une introspection, enfin, elle a pris un peu du recul. Elle a eu un échange avec le public, où elle a livré un petit peu des tranches de vie. Et puis ça s'appelle, pour ceux qui connaissent un peu les cultures, je dirais d'outre-océan, Mamiwata, donc qui est aussi populaire en Afrique comme symbole, oui. Et ça sera le titre de cet album. D'accord. Et elle adore tout ce qui touche aux sonorités musicales aquatiques. Elle est attirée par l'océan, par ce rythme. Voilà, donc c'est vraiment bien. Et puis, c'est une description d'ailleurs très poétique, parce que là, moi, j'ai vraiment très envie juste d'arrêter pour l'instant l'émission et puis d'aller écouter ce que fait Ayo. Donc, c'est une petite recommandation musicale de notre invité. Donc, n'hésitez surtout pas à aller regarder l'album. C'est ça, le 20 septembre, du coup. 20 septembre. 20 septembre, très bien. On note. Donc ça, c'était pour le petit rattrapage un petit peu de l'été, de ce grand événement qui était le Gré du Jazz, qui était un petit peu le temps fort pour toute l'équipe d'Éclat de Lumière qui avait participé à l'émission donc en juin, et donc aussi pour Gilles qui s'était rendu sur place. Donc on a ce petit compte-rendu, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ce très beau festival à venir. Parmi les rattrapages aussi desquels nous devons parler lors de cette émission, il se trouve évidemment les coups de cœur culturels. Vous savez que sur Éclat de Lumière, on n'hésite jamais dans l'émission à vous donner quelques petites recommandations, comme vient de le faire Gilles. Et il se trouve que j'en ai plusieurs, parce que l'été a été extrêmement riche culturellement. Je vois encore Gilles qui hoche la tête à mes côtés, parce que vraiment, on a eu un été riche, que ça soit cinématographiquement, musicalement, ou littérairement. Mais la littérature, on va en parler un petit peu plus tard, puisque nous avons un agenda et notamment un gros événement à Nancy qui va débuter ce week-end. Cinématographiquement, donc, j'avais envie de vous parler d'un film qui est sorti, donc, je crois que c'est aujourd'hui, le 10 septembre, ou c'était peut-être la semaine dernière, mais il me semble que c'était aujourd'hui, parce que la date a été plusieurs fois repoussée. Ce film, il s'intitule donc Sirat. Alors Sirat, c'est un film qui a fait sensation lors du dernier festival de Cannes. C'est un film qui a été réalisé donc par Oliver Lax et qui a fait énormément parler sur la croisette en mai. Pourquoi j'avais envie de vous parler de Sirat ? Parce que c'est une proposition singulière qui fait une transition un petit peu toute trouvée avec ce dont on vient de parler. Pourquoi ? Sirat, c'est l'histoire d'un père qui a perdu sa fille au cœur du désert. Sa fille est une fêtarde, une teufeuse qui n'hésite jamais donc à sortir pour faire des rave parties. Vous savez que ces rave parties dans des lieux un petit peu abandonnés sont extrêmement populaires de nos jours. Hein. Vous avez peut-être entendu parler, évidemment, chers auditeurs, du Burning Man, qui est donc l'un des festivals aujourd'hui les plus populaires au monde, hein, qui se caractérise par cette ambiance un petit peu de musique, de liberté aussi, qui souffle au cœur du désert. Et bah, Sirat, c'est tout ça. C'est un film à l'ambiance absolument extraordinaire qui invite le spectateur à un voyage sensoriel avec ce père au cœur du désert. Ce père va évidemment retrouver progressivement un petit peu le fil de ce qui est arrivé à sa fille avant que le film ne bifurque sur toute autre chose dont je ne dévoilerai rien pour ne rien divulgâcher, pour ne rien spoiler de ce qui s'y passe. Je vous le recommande donc extrêmement fortement parce que c'est vraiment une expérience à vivre en salle. Les images et la photographie sont éblouissantes de couleurs. L'ambiance sonore est très impressionnante. Moi, j'ai été complètement plongé dans cet univers un petit peu électronique et psychédélique ici. Donc n'hésitez surtout pas à vous déplacer en salle pour Sirat qui bénéficie quand même d'une sortie un petit peu réduite. On sait aujourd'hui les difficultés que c'est pour produire un film. Gilles qui, pour la troisième fois, acquiesce dans les diverses salles donc art et essai en France. Ça a obtenu le prix du jury à Cannes cette année, preuve que ça a été quand même énormément remarqué, que ce soit par les critiques presse françaises, étrangères et par le jury. Donc surtout, ne manquez pas. Ça s'appelle Sirat, c'est réalisé par Oliver Lax. Et si vous avez été le voir, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur les réseaux sociaux, à nous partager vos sentiments, vos émotions face à ce film-là et à le recommander sur les réseaux sociaux de Lumière. Notre envoyé à Reims, Patrick, fera sans doute un article sur la question puisque c'est notre spécialiste cinéma. Cette sensation, donc Sirat, qui est en salle en ce moment, ne doit pas en éclipser une autre qui est arrivée en fin d'année dernière et qui a été peut-être un petit peu boudée en salle au cinéma et qui vient d'arriver sur Canal+. Je veux évidemment parler du dernier film de Robert Zemeckis qui s'intitule Here et qui est à présent disponible sur Canal+ et en DVD, VOD, donc surtout n'hésitez pas. Here, qu'est-ce que c'est ? C'est tout d'abord le film quand même d'un réalisateur accompli. Robert Zemeckis, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le présenter ? C'est évidemment un grand ami de Steven Spielberg qui a réalisé des films considérés comme des classiques du 7e art, que ça soit Forrest Gump, que ça soit Seul au monde, que ça soit également Les Retours vers le futur, puisqu'il en est l'auteur et aussi le producteur, me semble-t-il. Et Robert Zemeckis qui, ces dernières années, s'est fait un petit peu plus discret sur la scène internationale, revient avec ce film où jouent ces acteurs un petit peu fétiches, hein, puisqu'on va retrouver Tom Hanks et Robin Wright, le couple iconique de Forrest Gump, dans ce film donc qui s'intitule Here. Vous savez qu'on aime bien un petit peu les concepts chez Éclat de Lumière, et Here, c'est vraiment là encore une expérience. La caméra est posée dans la pièce d'une maison, et cette pièce ne bougera jamais. Il n'y a aucun mouvement de caméra durant l'heure 50 que va durer le film. Simplement, cette pièce, elle va évoluer en fonction des époques, puisqu'on va voir donc la guerre de sécession, on va traverser la ruée vers l'or, mais aussi donc les années 1940-1950 avec des soldats. Et on va suivre un petit peu comme ça toutes les familles qui ont habité finalement ce lieu. Et c'est une réflexion sur le temps qui passe finalement. Sur le temps qui passe, les vies qui s'écoulent, l'amour, l'amitié aussi. Et là où on aurait pu penser à quelque chose qui, comme ça ne bouge pas, bah finalement ça aurait pu être très ennuyant, et bien ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout parce que le film est porté par la performance de deux acteurs sublimes. Tom Hanks, que l'on retrouve ici sur le devant de la scène après les critiques qu'il avait essuyées pour son rôle dans Elvis, et Robin Wright qui se donne donc à fond. On croit de A à Z à leur alchimie, et c'est vraiment une expérience et beaucoup d'émotions à suivre finalement ces deux personnages. Peut-être Gilles, connais-tu la BD dont c'est inspiré, mais le nom m'échappe, hein, c'est un roman graphique qui finalement racontait aussi l'histoire d'une pièce, d'une maison, pendant 250 pages, où c'était toujours le même dessin, mais des personnages différents. Donc c'est une recommandation de toute l'équipe de Lumière en Art à ne pas manquer sur Canal, donc qui s'intitule Here de Robert Zemeckis. Vous allez peut-être être rebuté par les notes sur Allociné ou sur Wikipédia. Nous vous conseillons quand même d'y jeter un coup d'œil, parce que vraiment, c'est une expérience absolument sublime. Voilà. Je vais à présent donc poursuivre un petit peu mon voyage musical avec un autre groupe qui est cher finalement à ma vie. C'est le deuxième groupe de Damon Albarn, le chanteur de Blur, qui un jour avec son ami un petit peu geek a eu l'idée de créer ce groupe que l'on appelle donc Gorillaz. L'histoire de quatre amis virtuels dont les aventures sont dessinées et racontées à travers chaque album. C'est Dirty Harry, c'est issu donc de leur album qui s'appelle également Gorillaz. Profitez, c'est sur Fadjet Radio. On se retrouve tout de suite pour parler musique et littérature et vous parler un petit peu plus en détail de l'agenda. A tout de suite donc sur Fadjet Radio, c'est l'émission Éclat de Lumière. Ça me fout toujours une pêche d'entendre ce morceau-là qui donne envie de bouger, donne envie de danser, donne envie un petit peu d'aller courir comme ça. C'est vraiment la force de Gorillaz qui a annoncé un album et une tournée qui passera d'ailleurs par Paris en 2026. J'aime beaucoup donc le storytelling et toute l'histoire autour de ces personnages et c'est pour ça que j'avais envie que vous découvriez ou que vous redécouvriez ce morceau sur Fadjet Radio. On est toujours donc dans l'émission Éclat de Lumière, saison 2 de septembre donc 2025, et je suis toujours avec le président de Lumière en Art, Gilles, avec qui donc on va détailler dans quelques minutes l'agenda automnal. Vous en avez maintenant l'habitude d'entendre l'agenda qui sera cette année divisé en deux parties, entre un agenda culturel local et un agenda plus national en lien avec l'antenne de Lumière en Art, qui est donc l'antenne parisienne de Lumière en Art. Bien que Gilles, il me semble qu'on se développe un petit peu aussi dans le sud maintenant. Hein. On commence à avoir quelques expositions, quelques événements dans le sud. Je ne sais pas si tu en viens un petit peu d'en parler ou si on en parlera dans une prochaine émission. Une prochaine émission, mais c'était bien parce qu'on a les collègues, les correspondants qui cet été se sont bien investis. Donc voilà, il y avait des choses vraiment bien. Une expo intéressante sur Dali à Nice. Beaucoup d'événements autour du Grimaldi Forum à Monaco. Oui, tout à fait. Voilà, vraiment des choses chouettes et de très très bons retours. Donc les auditeurs de Fadjet, si jamais vous avez envie de faire un petit détour donc par le sud, on aura aussi quelques annonces en termes d'agenda à vous faire du côté de Nice, de Monaco et du sud en général. J'en viens maintenant donc à la deuxième un petit peu partie rattrapage de cet été, et c'est un rattrapage qui est en finalement un faux rattrapage parce que ça concerne la rentrée littéraire. La rentrée littéraire a eu lieu cette année avec plus donc de 440 livres publiés fin août, début septembre. On en discutait un petit peu avec Gilles là durant l'interlude musical. C'est vrai que c'est pas toujours facile de faire un choix parmi les œuvres qui sont proposées chaque année. Il y a parfois un petit peu les prix pour vous aiguiller, mais c'est quand même pas toujours simple de choisir. Nous avons donc choisi pour vous, finalement, dans Éclat de Lumière, de vous parler de trois ouvrages importants de cette rentrée littéraire, afin donc de vous aiguiller un petit peu, d'aiguiller vos lectures, et ça va nous permettre de parler d'un événement iconique à Nancy dans quelques instants, à savoir le livre sur la place où les auteurs que nous allons évoquer seront présents ce week-end. Je vais commencer donc rapidement par vous parler de Au Grand Jamais de Jakuta Alikavazovic, pardon, excusez-moi pour la prononciation qui n'est pas exceptionnelle. C'est l'une des rentrées un petit peu phares de Gallimard cette année. On a eu énormément, si vous avez suivi l'actualité littéraire, de teasers et de visuels cet été, afin donc de parler de cet ouvrage qui est intitulé Au Grand Jamais, qui est évidemment publié dans la grande, grande collection blanche. Au Grand Jamais, c'est l'histoire donc d'une narratrice dont on connaît finalement peu l'identité, dont la mère a disparu. La mère qui était une poétesse acclamée dans son pays et qui avait connu pour la première fois un effacement progressif, un repli lorsqu'elle s'était installée en France. Peu à peu, finalement, l'écriture, l'inspiration l'avait complètement quittée. Ça rappelle des poncifs littéraires assez importants. Et cette disparition qui s'impose donc à sa fille, qui deviendra plus tard à son tour une maman elle-même, deviendra finalement un petit peu une clé de lecture pour comprendre finalement cette mère qui s'est progressivement effacée. C'est un ouvrage absolument remarquable, plein de poésie, plein d'émotions, qui nous amène à explorer les tréfonds de l'âme de ces deux personnages et finalement ce que c'est cette relation un petit peu mère-fille, comprendre aussi un petit peu ce que c'est que l'inspiration en littérature, et c'est une thématique à mon goût un petit peu trop rare. Donc surtout n'hésitez pas à lire Au Grand Jamais de Jakuta Alikavazovic, qui est également en sélection pour le prix Renaudot de cette année et qui sera présente au Livre sur la Place ce week-end du 12, 13, 14 septembre 2025. Je poursuis mes déambulations littéraires avec un ouvrage que j'attendais tout particulièrement qui s'intitule La forêt de flammes et d'ombre, qui a été publié par l'écrivain japonais Akira Mitsubayashi. C'est un ouvrage en langue française. Hein. Akira Mitsubayashi a enseigné ces dernières années en France et c'est un texte qui m'interpelle. C'est un texte qui m'interpelle, je vais vous en dire peu de choses, pour la simple raison qu'il vaut mieux, selon moi, que l'on en découvre le moins possible avant de lire ce texte remarquable. Mais c'est un texte écrit par Akira Mitsubayashi, qui était l'auteur d'un roman remarqué en 2020, qui s'intitulait « Âme brisée ». Âme brisée qui a obtenu le prix des libraires 2020, si je ne m'abuse, on était alors en plein Covid. Et Âme brisée qui racontait l'errance d'un personnage qui s'était vu séparé de son père suite à une arrestation arbitraire en haut Japon. Le père était accusé donc de connivence en collaboration avec des Chinois, et c'est finalement l'histoire de ce père, de ce violon, que nous raconte Akira Mitsubayashi dans des pages qui sont absolument magnifiques. Ça, c'était pour l'un de ses précédents romans. Il en a publié un ou deux depuis, si je ne m'abuse. Mais n'hésitez pas à vous plonger dans l'écriture de Mitsubayashi, qui est une écriture assez singulière, où l'on va vraiment aller dans la nuance de l'émotion, où l'on va chercher vraiment le mot juste, quitte parfois à le souligner un petit peu trop. D'ailleurs, c'était une petite critique que l'on voyait paraître lorsqu'il l'avait publié à me briser, où les dialogues étaient finalement peut-être parfois un petit peu trop littéraires, avis que je ne partage pas forcément, parce que pour moi, plus les dialogues sont fouillés, plus c'est une preuve de qualité. Donc n'hésitez pas à lire La forêt de flammes et d'ombre d'Akira Mitsubayashi. C'est publié aux éditions Gallimard également dans la collection Blanche. Et pour finir, je ne pouvais pas faire cette déambulation littéraire sans évoquer le roman, le texte événement de la rentrée. Le dernier roman d'Emmanuel Carrère intitulé Colcos aux éditions POL qui fait énormément parler de lui ces derniers temps. C'est un texte que l'on annonce déjà peut-être favori pour le Goncourt, il est sélectionné en tout cas parmi la première liste. Et c'est un texte que l'on attend depuis des années de la part d'Emmanuel Carrère puisque c'est le texte qui rend hommage à sa maman, Hélène Carrière-Dancos, qui est décédée il y a maintenant 2 ou 3 ans, il me semble, qui était secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Et c'est un texte finalement qui raconte, comme Emmanuel Carrère sait si bien le faire, la vie de sa mère, l'enfance aussi que lui a vécue avec ses sœurs, je crois qu'il n'a pas de frère, auprès d'Hélène Carrière-Dancos, qui était un personnage public élégant, mais qui était aussi un personnage privé. Et un personnage privé plein de nuances, plein de surprises aussi, qui n'était pas forcément toujours à l'aise avec la vérité. Et donc Emmanuel Carrère avait dit qu'il écrirait ce roman sur sa maman lorsque celle-ci serait décédée. Il le tease depuis des années. Il en parlait déjà notamment à l'époque de L'Adversaire, lorsqu'il avait publié un roman russe, mais aussi à l'époque donc déjà de La Moustache et de ses premiers plateaux télé. Le texte est arrivé donc cette année, il fait énormément parler, les critiques sont unanimement convaincus par la plume d'Emmanuel Carrère et donc Colcos fait déjà énormément parler, que ce soit donc sur les plateaux télé, il a été invité récemment dans la grande librairie, mais aussi donc les critiques et les bibliothécaires. Donc n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage Colcos d'Emmanuel Carrère qui sera lui aussi présent au Livre sur la Place. Et là, nous en venons donc à notre point agenda, c'est l'heure donc de l'agenda culturel local d'Éclat de Lumière. Vous en avez l'habitude, tous les mois, nous parlons un petit peu des principaux événements à venir. Or, c'est ce week-end, ça y est Gilles, on y est, le plus grand salon littéraire de la rentrée. Plus de 400 auteurs attendus sur la place Carrière pour célébrer tous ensemble la rentrée littéraire et la littérature en tout genre. Je ne sais pas si tu t'es déjà un petit peu penché sur la question et si tu as vu un petit peu les auteurs qui étaient présents cette année, mais cette année, le Livre sur la Place est donc parrainé par Guillaume Gallienne, connu donc pour son César et son spectacle Les Garçons et Guillaume à table. Et c'est un programme cette année extrêmement riche, qui met à l'honneur des auteurs, des monuments, j'ai envie de dire, littéraires. J'ai évoqué Emmanuel Carrère, mais sera également présent Jean-Marie Gustave Le Clésio lors de cet événement. On peut également signaler la présence de Kamel Daoud qui remettra un prix littéraire donc important cette année, ainsi que d'autres personnes qui sont un petit peu des habitués du Livre sur la Place, comme Michel Bussy par exemple, un auteur français célèbre, ou encore donc les auteurs que j'évoquais tout à l'heure, Akira Mitsubayashi, Jakuta Alikavazovic, Emmanuel Carrère. À noter les événements comme chaque année un petit peu particuliers, notamment la présence de Raphaël Quenard, auteur et acteur de cinéma, qui vient présenter son ouvrage publié chez Flammarion, Clamsé à Tataouin, et qui diffusera son dernier film, I Love Pérou, au Caméo Saint-Sébastien, il me semble, le samedi soir. Donc n'hésitez pas surtout à vous rendre au Livre sur la Place cette année. Donc encore une très très jolie programmation, avec donc des prix littéraires, notamment le Goncourt de la biographie, mais aussi donc le prix littéraire La Poste qui sera remis lors de cet événement qui n'est à ne pas manquer à coup sûr. En tout cas, Gilles, je ne sais pas si toi tu y seras, mais moi, je serai présent le samedi au Livre sur la Place afin de voir un petit peu les conférences et ce qui s'y fait. Une belle dynamique, un projet culturel exceptionnel, c'est effectivement l'événement culturel national de rentrée, le grand salon littéraire, c'est fabuleux. Et vraiment, pour ceux de toute la région pas encore pris l'habitude de découvrir ce lieu, Carrière, il faut absolument y aller. Et à noter aussi, tu parles d'événements culturels exceptionnels. Je pense qu'on peut dire maintenant, hein, je ne sais pas ce que tu en penses, mais que c'est peut-être le plus grand salon littéraire de France. Oui. En termes de fréquentation et d'auteurs. J'ajoute également pour ceux les plus jeunes de nos auditeurs, s'il y en a, que la programmation adolescente est très très très intéressante cette année. On a vraiment donc un coup de projecteur sur la littérature young adult et sur la littérature jeunesse qui me paraît très importante à noter. Donc si vraiment vous avez des enfants, vraiment allez-y parce que cette année, je trouve particulièrement la programmation est très intéressante. On va continuer un petit peu avec l'agenda culturel. Il me semble, Gilles, que tu as des choses à annoncer en rapport avec le magazine Lumière en Art. Voilà, ce sont des manifestations qui sont plus ou moins traditionnelles déjà et puis qui n'ont pas l'ampleur de l'événement culturel dont on vient de parler sur la place, bien sûr. Alors, dans les coups de cœur, une suggestion pour une exposition très originale de photographie. De portraits de l'artiste Jean Scherbeck, donc à Villers-les-Nancy, face Madame de Graffigny, que beaucoup d'amateurs d'art tout public connaissent bien. À partir du 18 septembre, donc le titre de l'exposition est Des visages, un regard, et avec un parcours avec des œuvres magnifiques de Jean Scherbeck, donc c'est très rare. Cette exposition est vraiment importante, essentielle, et on ne peut que vous encourager à la découvrir. Très immersive, ouais, c'est... on a vu passer quelques images et quelques retours sur les réseaux sociaux, ça a l'air d'être un très très beau succès. Jean Scherbeck, peut-être que les personnes de différentes générations, ça leur parlera un peu, ceux qui sont un peu gourmands et qui aiment bien les Madeleines de Liverdun, c'est tout lui à fait, qui ouais. a... qui a croqué, qui a dessiné la mamie qui est dessus. Oui, voilà. C'est ça, exactement, ouais. Connu pour ce logo. D'autres événements à rajouter, peut-être ? Oui, alors effectivement, il y aura le 21, c'est un dimanche, dans le cadre, on s'achemine vers les derniers temps forts de Métropholis, de l'art nouveau à l'art déco, avec différentes choses sympathiques, il y a le cercle Garenne qui intervient, Ginko qui sera présent au parc Sainte-Marie ce jour-là, et puis nous y sommes de fait, puisque notre collaborateur et ami artiste Jean-François Vineau, qui est un peu l'artiste référent dont on suit un peu l'évolution. Et qu'on a entendu à ce micro un sacré paquet de fois déjà, au moins deux ou trois fois, hein. Alors, il a pas mal de projets, donc ceux qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas eu la chance encore de découvrir ses œuvres, profitez donc à cette fête d'automne du Parc Sainte-Marie. Vous allez voir, c'est sympathique, sur les allées, en plein air, ses grandes œuvres, notamment les dernières créations qu'il a fait cet été après un grand périple, puisqu'il a préparé un projet qui est pour du moyen terme avec... les lieux culturels de Tokyo. Voilà, c'est des partenariats avec l'amicale franco-japonaise du quartier latin. C'est des beaux événements. Il a travaillé. Alors, on ne vous en dit pas plus. Pour l'instant, il est en train de préparer tout ça. Teaser. Voilà. En région aussi, on aura l'occasion peut-être dans une des communes du Grand Nancy de lui consacrer. Oui, parce que c'est du coup un partenariat qui est lié avec l'antenne parisienne, du coup, puisqu'on parle du quartier latin, donc c'est forcément lié à Paris, donc on a quelques connexions entre la Lorraine et Paris, on ne désespère pas un jour d'avoir un chroniqueur à ce micro qui viendrait de Paris pour parler un petit peu d'agenda. On a, parce que au début de l'été, on a une des collaboratrices du magazine qui est auteur, metteur en scène, enseignante, écrivain, enfin, alors, on va dérouler tout son CV, Dimitra Pandora, qui a présenté Les Perses et qui repart sur un projet à nouveau fort du succès. Oui, qu'on a beaucoup relayé sur les réseaux sociaux également de Lumière au début de l'été, Les Perses, hein, qui était diffusé, enfin qui était présenté à Paris au début de l'été. Dans l'agenda, bien évidemment, on pourra retrouver le public plus familial parce qu'il faut aussi qu'on s'intéresse aux loisirs festifs. La famille, les enfants, le public, bien sûr. Avec la foire d'automne, qui prendra tout de suite le relais. L'automne sera déjà bien entamé avec à la pépinière beaucoup d'événements, d'animations avec cette foire d'automne à laquelle le magazine Lumière en Art est partenaire. Et puis ceux qui ont envie de nous rencontrer, tout simplement, et d'ailleurs qui veulent découvrir le riche tissu associatif de Nancy, on vous propose, on vous lance une invitation pour l'événement voilà, parrainé, piloté, concocté par la ville de Nancy, la fête des associations qui a lieu cette année, et c'est un endroit qui est très très agréable, comme le livre sur la place qui aura lieu, Place Carrière, le dernier samedi de septembre, le samedi 27 septembre, c'est entrée libre, 10h30 à 17h. On espère vous y voir aussi nombreux que Livre sur la place. En tout cas, on sera présents. On attend plusieurs dizaines de milliers de personnes devant le stand de lumière. C'est l'occasion qu'on puisse échanger en direct, ça sera sympa. Ah bah oui, évidemment, comme ça on pourra vous présenter un petit peu aussi les coulisses et puis vous pourrez aussi mettre un petit peu des visages sur nos voix parce que c'est aussi ça, voilà, le but, qu'on important. Se rencontre et puis qu'on échange et qu'on relaie tout ce qui se passe aussi autour d'Éclat de Lumière et du web magazine Lumière en Art. Voilà, puis deux petites informations parce que l'agenda serait très très long, donc toujours c'est de donner plutôt nos suggestions, voire nos coups de cœur. Propose de vous intéresser de très très près au Théâtre de la Rouelle à Villers-Nancy avec une programmation qui est très très sympathique cette année, encore plus que d'habitude, et c'est un lieu, si vous ne le connaissez pas, faut découvrir. Alors on vous tiendra au courant aussi des autres événements plus habituels, puisqu'on en parle souvent dans nos sélections, dans nos suggestions, que ça soit le Théâtre de la Foucotte, la Manufacture, dont on va se faire évidemment des relais. Ça, c'est... beaucoup de choses changent pour l'émission Éclat de Lumière, mais ça ne change pas. On va toujours recevoir assez régulièrement les responsables du Théâtre de la Foucotte. On espère aussi pouvoir faire venir des responsables du Théâtre de la Manufacture et de l'Opéra aussi, afin d'échanger un petit peu sur cette programmation riche à Nancy, puisque, comme on dit souvent, la culture n'attend pas. Avant d'entamer donc la dernière partie de cette émission, on va notamment vous révéler un petit peu qui sera notre prochaine invité lors de l'émission donc culturelle Éclat de Lumière d'octobre. On va se laisser avec un morceau un petit peu hommage. Un morceau un petit peu hommage à un chanteur. Alors ce n'est pas lui qui chante sur ce morceau, mais c'est un groupe iconique des années 60, 70 et 80. Je veux bien évidemment parler de Supertramp, dont l'un des chanteurs, Rick Davies, est décédé cette semaine à l'âge de 81 ans. C'est Goodbye Stranger hein, sur leur album Breakfast in America, leur album peut-être leur plus grand succès qu'il n'ait jamais eu. Et donc voilà, j'avais envie de lui rendre un petit hommage parce qu'ils ont contribué à la culture et à faire tout simplement de nous, des auditeurs de rock que nous sommes aujourd'hui. Donc voilà, merci beaucoup, repose en paix. On se retrouve tout de suite pour la dernière partie et notamment l'interview suggestion de Gilles sur Éclat de Lumière. À tout de suite. It was early morning yesterday. I was up before the dawn. And I really have enjoyed my stay. But I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Yeah, yeah. Now I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth. Without an anchor, like a slave without a chain, just the thought of those sweet ladies as they shiver through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few. Goodbye, stranger. It's been nice. Hope you find. they do and some they don't. And some you just can't tell. And some they will and some they won't. And some it's just as well. You can laugh at my behavior, and that'll never bother me. Say the devil is my savior, but I don't pay no heed. And I will go out shining, you're shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few. De retour donc sur Fadjet Radio, c'est la dernière partie de l'émission Éclat de Lumière, dernière partie d'émission où on vous a donc suivi pour cette saison 2 de l'émission Éclat de Lumière, où on a donc un petit peu développé autour de l'agenda de nos coups de cœur culturels de l'été. Et donc on arrive maintenant dans la dernière partie de l'émission, et c'est une partie qu'on appelle donc l'interview coup de projecteur. Cette interview donc coup de projecteur, c'est une interview tout simplement où on a envie de mettre un petit peu en valeur les goûts de l'invité. Donc je rappelle que je suis avec Gilles, président de Lumière en Art, le magazine le culturel du web qui donc est l'hôte finalement de d'Éclat de Lumière. Gilles, on va commencer donc cette interview un petit peu coup de projecteur. J'ai une question à te poser, c'est une question alors qu'on est amis quand même maintenant depuis plusieurs années, que j'ai envie de savoir un petit peu quel est ton livre de chevet. C'est quoi le livre que tu relis régulièrement, que tu aimes, que tu apprécies? J'adore le théâtre contemporain et je me suis aperçu que le fait, on en parlait tout à l'heure, d'avoir relu les Perses, toutes les adaptations qui ont été faites, d'Eschyle, je l'ai relu finalement assez souvent. C'est un petit peu comme un autre ouvrage de théâtre tout à fait classique de William Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été, et je me suis aperçu que ça... Voilà, ces deux pièces nous renvoient l'une et l'autre sur des problématiques, des thèmes très différents, mais ça résonne avec l'actualité. Mais incroyable. Shakespeare résonne énormément avec l'actualité, hein, que ce soit Hamlet, Othello, même ces pièces un petit peu plus historiques, ça résonne énormément. Autre question qui est maintenant un petit peu plus en lien avec le spectacle vivant qu'on a abordé. Est-ce que tu as un événement, une exposition, quelque chose que tu aimerais recommander à nos auditeurs passés ou qui va arriver, qui est en cours ou qui va arriver là prochainement? Il y en aurait beaucoup. Oui, parce choix, qu'on vous parle de beaucoup de choses, mais il faut qu'on fasse des choix. En tout cas, ce qui est clair, c'est que déjà au niveau local, au niveau de la Lorraine du Grand Nancy, on parlait tout à l'heure pour les auditeurs qui nous rejoignent seulement voilà, en cours d'émission, regard, les portraits de Jean Scherbeck, vraiment c'est quelque chose qui est marquant, ces visages, ce regard, il y a très peu de portraitistes, c'est vraiment une chance qu'on puisse avoir une telle galerie de portraits qui vont être proposés. Merci beaucoup Gilles. Je crois que tu avais envie par contre de nous parler d'un dernier événement qu'on va mettre en place dans les jours, hein, parce qu'on en a parlé souvent, mais ça va bientôt être l'heure des jokers. C'est ça. La saison avance. La dernière fois qu'on s'est retrouvés, on parlait de la fin du printemps, et comme vous l'avez compris, on essaie de créer cette dynamique, ces pépites, ces talents à découvrir et ces suggestions coup de cœur au fil des saisons. Il est temps de faire résonner ce choix très éclectique pour l'été. Et donc, le mercredi 17 septembre. Donc, prenez vos agendas, le voilà, 17 septembre. Les auditeurs ont déjà la primeur. Et dès que cette émission sera diffusée, les créateurs vont être au courant de ce qu'il aurait attribué avec ce Joker d'or en Grand Est, ce trophée. Alors, on a voulu changer un petit peu. La dernière fois, on était très, très dans le culturel et cette fois-ci dans la gourmandise. Alors, c'est un lieu nouveau qui s'appelle Butter, un nom anglais, avec une équipe formidable. Donc, Théo Marius, un chef cuisinier très inventif, un pâtissier. Ça se trouve Grand Rue. Et pour nous, ça a été vraiment une révélation. En plus, ils ont un concept, on ne vous en dit pas plus. Il y a une formule pour les déjeuners. Ils ont essayé de caler ça sur un mode économique. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez envie de nous rejoindre et de nous rencontrer, à vous rendre donc le 17 septembre pour les Jokers d'automne 2025. Voilà, avec les invités surprises. Avec les invités surprises qu'on ne vous dévoile pas ici puisqu'ils ne sont encore pas au courant. J'en profite donc juste parce que la fin de cette émission est arrivée, ça fait maintenant une heure que l'on est ensemble. Le prochain invité de cette émission, ça sera le président du NJP, Yves Colombin, rien que ça, qui viendra donc nous parler de la programmation du Nancy Jazz Pulsation pour l'émission d'octobre. On l'aura donc une heure avec nous pour qu'il nous dévoile un peu plus ses coups de cœur, sa programmation et tous les concerts que l'on aura. Et évidemment, donc nous sommes partenaires du Nancy Jazz Pulsation cette année. Sous les feux de la rampe, et ça sera une belle initiative pour vous, amis auditeurs et lecteurs. Il est maintenant l'heure donc de nous quitter. Je remercie donc Gilles, président de Lumière en Art, de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. On se retrouvera avec une autre équipe de chroniqueurs dans les semaines à venir pour parler donc du Nancy Jazz Pulsation pour une émission un petit peu plus liée à la musique. En attendant, sortez, cultivez-vous et on se retrouve très très vite pour Éclat de Lumière, l'émission d'octobre sur Fadjet Radio. Au revoir. Bientôt.